Dans l'épisode précédent, nos héros ont accompli avec succès leur mission. Nous les retrouvons donc, lors de ce deuxième jour d'aventure, pendant la soirée. Ils se retrouvent donc à Fuego Libertad, dans l'attente de leur prochaine mission. Mais ils n'attendent pas pour rien. El Colombin est en train de se faire tatouer et percer la coque par tous les bouts. Oui, c'est une image, exprimant le fait d'armer et d'installer quelques améliorations. Dans cette attente, chacun vague à ses occupations. Taznar profite pleinement des plaisirs de la vie. Oh. Akenat tente de marchander le prix de diverses armes. You're talking to me? Terry observe attentivement la pose des nouveaux équipements sur le vaisseau. Et Billy continue de nager et de se détendre. Quant à moi, je me retrouve à la bibliothèque pour en apprendre un peu plus sur les fonds marins des environs. Au cours de cette journée, nous apprîmes que des pirates ont investi la cité de manière furtive, pour le moment, mais que cela pourrait bien être un danger sur le long terme. Si j'étais voir une prostituée. Donc elle m'a dit que récemment il y a quelques nouvelles têtes qui traînent dans les bas-fonds. Hein. Donc je pense que ça pourrait être soit des pirates, soit des. Enfin des. Une genre de d'éclaireurs, enfin des éclaireurs. Jour numéro 3. Adoris lui-même nous confia notre nouvelle mission, et au final, elle ressemblait quasiment à la dernière que l'on avait effectuée. Nous dûmes nous diriger vers l'ouest pour patrouiller. Je vous laisse imaginer à quel point cela nous semblait excitant. Mais en fait, ce fut le cas. Salut Adam. Bonjour Adam. Bonjour. Je viens vous amener votre feuille de route. Mes hommes étant occupés à faire du repérage, comme vous allez faire aujourd'hui aussi. Vous patrouillerez dans ce secteur-là jusqu'à ce qu'on vous rappelle. Et Brugnard, tu en penses quoi de la carte là? Parce que moi je. Au pilotage, mais j'aimerais mieux savoir où on va. Non, mais c'est bon, là, j'ai fait quelques recherches, j'ai ramené, d'ailleurs, qu'il faudrait que je télécharge ça dans l'ordinateur du bord. J'ai ramené une carte topographique des fonds marins de Fuego Libertad, donc ça va vachement nous être utile, je pense, pour naviguer de manière discrète. Tu l'as déjà analysé, alors ok, c'est cool. Ouais. Il y a plein de coins et de recoins sympathiques pour notre survie, on va dire, vers la zone où on doit réaliser notre mission. Bonne nouvelle. Bon bah on est parti alors les enfants. C'est bon, plus de questions, plus rien. Ah, il s'est barré, je crois même. Ouais. Oui, il est parti. Bon, on va laisser Daz faire le check-up du navire et puis quand on est prêt, on part. Hein. Ouais, moi, d'abord, je voudrais bien manger, moi. J'ai faim. Ouais, on va se restaurer. J'ai ce qu'il faut, là. J'ai des biscottes synthétiques. Et puis pendant que Daz, il fera le check-up, moi, j'irai remplir la base de données sur l'installation qu'on a. J'irai insérer toutes les données qui sont relatives à ça. Donc, vous partez de Fuego Libertad avec le plein, avec 3 torpilles à bord, dont une déjà chargée. Et vous arrivez assez rapidement au secteur où vous devez aller. L'Atlantis déboule de nulle part, nous laissant dans son sillon, nous menaçant de nous anéantir. 3 km de long et 600 mètres de large, je vous laisse imaginer. Ici l'Atlantis. Oui, nous vous entendons. Ici le Colombin. Vous êtes qui? Veuillez nous donner votre identité. Le Colombin, nous sommes un navire de... Merde, j'ai perdu le mot. De Fuego Libertad. Vous êtes un navire de Fuego Libertad? Tout à fait. Veuillez dégager de cette zone de suite. Je répète, dégager de cette zone de suite. Nous ne nous arrêterons pas pour vous. Message bien reçu. Nous libérons la zone. Ok, manœuvre d'évitement immédiate. Fuego Libertad nous demande donc de rentrer de toute urgence. La flotte est réunie au complet, avec l'Atlantis qui finalement est là en renfort. Mais les hégémoniens auraient pu nous prévenir de cela avant de tenter de nous achever. Un grand combat contre les pirates va avoir lieu. Notre rôle, obliger les chasseurs ennemis à nous prendre en chasse pour permettre à nos forces alliées d'exterminer leurs vaisseaux lourds. Les installations de la zone S sont attaquées par un groupe de pirates. Nous sommes attaqués de l'intérieur. Nous nous prévenons d'avance. J'en étais sûr. Ok, ouais, c'était ça. Ouais. Eh ben, on rentre dardard. Et on se prépare. Si vous rentrez, c'est pour faire le plein, pour aller vous battre à l'extérieur. Bah... De quoi ? On rentre, c'est pour faire le plein, pour aller battre à l'extérieur aller, Mais bien sûr. Mais ils attaquent la ville ou à l'extérieur ? Bah oui, c'est ça. Mais ils attaquent en navire. Ah, ils sont déjà là. J'avais pas compris ça. Ah oui, donc on rentre pas dans la ville. Non, on fonce direct dans le tas. On va les dégommer du... on fonce pas dans le tas, mais on va les dégommer. On va vous mettre dans un groupe de 4 vaisseaux. Très bien. Vous aurez un leader. Il vous indiquera une position d'attente. Et il vous dira quoi faire. On va tenter. Ça vous convient ? Oui. Bien. Ici l'amiral Pelloc. Et ici le commandant Brunière. Chef militaire de Fuego Libertad. Lieutenant, je vous laisse la parole. Commandant Brunière, en rapport. Je suis là pour coordonner les forces militaires de Fuego Libertad. Très bien, on va vous soutenir du mieux qu'on peut. Vous allez être dans une flottille de 4 navires, à peu près votre taille. Affirmatif. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'attaquer un escorteur qui en approche. Très bien. Bien reçu. Votre rôle, ce sera d'attirer les chasseurs pour que les 3 autres puissent attaquer l'escorteur. Ah, négatif. On est pas très rapide. Je sais, votre tâche est pas facile. Mais vous aurez de quoi si vous avez un bon pilote, et j'espère que c'est le cas pour vous. Essayez de les semer et de pouvoir les détruire. De toute façon, si c'est pas le cas, vous êtes dans la merde. Ok. Bon, allez au bout. Donc, à mon avis, vaut mieux que vous écoutiez ce qu'on veut vous faire faire plutôt que d'essayer de partir. Non, mais ça vient aussi. On va exécuter les yeux bandés. On n'est pas là pour vous envoyer à l'abattoir. On est là pour essayer de tenir et pour essayer de repousser les pirates. On va jouer notre rôle, mais vous nous en devrez une. Ça marche. Cap sur les coordonnées, ok. Et donc il y a Didi qui lève la tête en disant c'est bon, j'ai nos 3 alliés sur le son scan. Ok, nickel. Adam, tu peux aller dans la salle des moteurs et tu vas essayer de nous bidouiller ça pour gagner un peu en puissance, quitte à prendre de l'énergie sur le reste du navire. Et moi je rejoins la formation. Ok, je me mets en position droit face aux chasseurs qui arrivent. Voilà, dès qu'on peut verrouiller une cible ou tenter de le faire, on le fait et puis on prend la fuite puisque c'est ce qu'on nous a demandé. Ah, il y a même mieux à faire. Tu pousses les machines à fond et on va essayer de passer entre deux. Et juste avant d'y arriver, on lâchera une torpille. Et avec notre vitesse, on ira plus vite que la torpille, on pourra passer quand même juste à côté, donc faudra l'anticiper. Daz, tu pousses les moteurs, tu donnes tout ce que tu peux donner. Tout de suite. Et Ake, tu te prépares à la manœuvre d'esquive. ça va être vraiment très chaud, quoi. Ok, reçu. Par contre, il va falloir se dépêcher parce que ça commence à chauffer derrière. Il y a 2 torpilles qui nous foncent dessus. Non, mais manœuvre d'esquive, là. ouais, on entame. Je fais un virage à 90 degrés. Quelques torpilles dans le fion et un arrêt plus tard... Nous achevâmes le combat, mais nous dûmes rentrer illico presto à la cité, car là-bas, c'est la merde. C'est le colonel Faedror, commandant de la 10e, de la 8e cohorte Pandore. Nous allons rétablir l'ordre dans Fuego Libertad. Fuego Libertad nous a demandé de l'aide, nous allons l'aider. Hé, hey Das, tu vas où? J'ai pas le temps. Et tu vas où? Bah moi, j'essaie de voir, comme je suis hégémonien, voilà, d'essayer de voir s'il n'y a pas un gradé dans le coin, de par son uniforme. Déjà d'essayer de repérer et voir, aller directement le voir. Puis l'hégémonien, je fais voilà, est-ce qu'il y a moyen d'aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que tu peux, servir à la patrie? Non, l'armée hégémonienne s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Rentrez à l'abri chez vous et attendez que ça se calme. Il y a des pirates encore dans Frigoliberdad. Nous les traquons et comptons les punir. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Nullement d'un civil. D'accord. Rentrez chez vous et mettez-vous à vous. Là où? Merci beaucoup. Bruit. Il y a encore des pirates en interne. Qu'on se les fasse, je sais pas, mais déjà qu'on fasse gaffe. Clairement. J'ai envie de tirer avec mes guns. Ouais, mais Daz, il vient de se barrer en courant comme un débile. Et à mon avis, soit il a un problème avec les hégémoniens, soit. Qu'on fasse gaffe à lui là. Faut qu'on le trace. Ah, c'est pas con, parce que je pensais qu'il était parti voir sa pute. Là, je suis pas sûr. Au besoin, on peut voir si on peut pas le tracer avec son com. Hein, et avec mes capacités en informatique. Mais de toute façon, je pense qu'il va réussir à se cacher dans la ville. Les hégémoniens sont peut-être pas encore rentrés dedans, la ville. Si, ils sont dans la ville, ils sont partout, ils essaient de nettoyer. Faut qu'on aille se caler quelque part, là, et qu'on attende, ou... tous ensemble, voilà, si on croise un pirate, on le dérouille, hein, comme tu veux. Ça pourrait être bien aussi de lui sauver la mise pour qu'il nous refile des informations, éventuellement. Non, faut qu'on retrouve Daz, là. Pas le net, là. Au pire, façon, on va le retrouver avec le signal du com. Ça sera pas un problème. Ah, mais on court toujours, hein. On court toujours, ouais. Vous voyez de loin, en fait. Vous voyez trois silhouettes qui courent dans votre direction et apparemment ils sont suivis derrière de très très très très loin, mais il y a au moins deux hommes. Et ils sont très très loin, on va se rapprocher. Ils viennent vers nous. Dans le doute, je prends les guns à la main. Ouais. Si tu dégaines, je dégaine. Ah ouais, je dégaine à mort, là, les deux. Moi, je dégaine, mais je garde mes armes dans mon dos. Je vais gueuler en hégémonien s'il y a ça, et puis... Je tire dans le tas? Ok, je tire dans le tas. Oui. Tu vas parler à tes potes. C'est des hégémoniens derrière, on est dans la merde. Je me couche. Ouais, je tire dans le tas, Osef, on verra ce que ça donne, on s'en fout. Je tire dans le tas. Moi je me rapproche en courant. Ah, c'est Daz qui monte. Oh putain. Tu prends une balle au torse. Oh. Elle pénètre assez profondément. Il faut qu'on se carapate et on a tiré. Ah, on peut pas, il y a Daz qui est à terre, il a une balle dans le torse et puis il est blessure à la jambe. Moi je vais le prendre sur mon dos et partir avec. Ouais, faut qu'on regarde le navire là, y a pas le choix. On arrive sur les docks, on planque les armes, on prend une attitude sereine et on essaye de se tracer dans le sous-marin. Ok, je fais style, on part de la ville, ça roule, on se retrouve sur le rad. L'attitude sereine de Daznar avec une balle dans le ventre et toi avec une balle dans le bras. Non mais j'ai. Enfin, je suis tout ça quoi. J'ai une trousse médicale d'urgence. Juste avant de sortir de la ville, éventuellement, je lui applique un truc rapide sur le torse pour cacher la plaie, puis il marchera. Il boitera, mais il marchera. En attendant, je l'ai toujours sur le dos. Plonger. On allume le moteur, puis on se bat. Moi, je me mets sur mon poste d'artillerie. Tire une torpille. Bon, on va tirer pour ouvrir. Hein. Oh putain, on a un problème. Allô, Houston, on a un problème. Je vais essayer de réparer. Okay, je tente de réparer, de faire en sorte que le générateur claque pas. Bon, bah je m'équipe de l'exo-armure alors. Mayday, Mayday, cherche assistance, petit navire échoué. Une heure passe. Didi décide de sortir. Ok. Lui décide de s'en aller. Ouais. Vous manquez d'air. Vous commencez à suffoquer. Vous tombez dans les pommes. Ok. Et vous mourrez. Eh bien non, ce n'est pas la fin pour nos 5 aventuriers. Oh non, on est toujours eu. Non, non. Nous les retrouvons ainsi, à bord d'un mystérieux vaisseau. Alors les gars, c'est simple. En tant que contrebandier, on ne pouvait pas rêver mieux. Je pense qu'il y a moyen d'évoluer, mais alors passer du statut de petit contrebandier minable au statut de hyper contrebandier hyper riche dans les hautes sphères de la société contrebandière. Quoi. On est dans un vaisseau, mais c'est un masse vaisseau, quoi. C'est simple. Vous voyez notre petite bicoque, ben, vous la multipliez par 100, donc vous divisez grosso modo l'Atlantis par 3, et vous voyez un peu la taille du vaisseau dans lequel on se trouve. C'est un monstre, quoi. C'est vraiment un monstre. Le vaisseau s'appelle l'Argonaute. Je vous laisse imaginer, déjà. Il a une grotte juste à côté, et la porte de cette grotte est en or. Ok. Donc, bon, question thune, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mais c'est pas le plus important. Pour information, d'ailleurs, sur cette porte est gravé un symbole en forme de triangle avec un œil au centre. Donc, il y a quand même plein de choses que vous devez savoir, les gars. On a la possibilité de quitter, je pense, les fonds marins si on en a envie. Si effectivement le chef pirate El Crâne Radjik nous en laisse la possibilité sur le long terme. J'ai vu à bord du vaisseau du bois naturel. Oh putain. Et ça pousse pas dans l'eau. Oh putain. C'est vrai. Ça voudrait dire qu'il Il a pas l'air de mentir. Il aurait trouvé un accord. Ça, c'est une chose. Un espace naturel en surface. Que je ne vous ai jamais dit. Et que je pense que c'est le moment de vous le dévoiler. Mais alors, vous le gardez pour vous. Hein. Surtout, vous balancez pas l'information. C'est qu'il y a des fusées qui vont dans l'espace. Et les fusées, elles poussent pas dans l'eau non plus. Truc de ouf. Et, alors là, par contre, ça, c'est pas confirmé. Ça serait à vérifier. Il y aurait une station orbitale. C'est un truc de ouf. Ça, c'est la base de la chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'eau. Il y aura peut-être la possibilité de s'extirper de cette situation. Bien sûr, je pense qu'il faut qu'on garde l'information pour nous, parce que, à mon avis, si ça venait à l'oreille de tout le monde, ça ne marcherait pas. Et le plus important là-dedans, c'est que le symbole sur la porte en or, c'est le symbole des généticiens. Ok. D'accord. Ça veut dire que derrière cette porte peut probablement est enfermé tout le savoir ou au moins une partie du savoir des généticiens. Donc vous faites un cumul de tout ça et je pense que la situation qu'on a vécue il y a quelques heures c'est useless, quoi. Ça nous laisse sans bois. Voilà, exactement. Nos 5 amis sont alors emmenés devant un étrange personnage. Bien. Je me nomme Tel Crâne Radjik. Vous êtes sur l'Argonaut. Grand tel crâne ralgique. Je reste sans voix. Vous me connaissez ? Une légende telle que vous est connue. J'espère que vous étiez une légende parmi les pirates. Bien, bien, bien. Vous devez connaître mon surnom, alors. L'homme aux mille visages. L'homme aux mille visages, oui. En fait, quand tu l'as dit, tu vois son visage qui se transforme littéralement. Ça devient un mec d'une trentaine d'années, pas plus. Le visage lisse, plutôt beau gosse. Et ben voilà pourquoi on m'appelle comme ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, j'étais déjà tombé sur le cul. Je pense que vous devez avoir faim. Ah oui. Et puis il va falloir que vous me racontiez ce qui vous est arrivé. Vous pourrez découvrir la suite de cette aventure au prochain épisode. Et sur ce, je vous laisse avec un petit bonus cadeau. Je vous le rappelle quand même, c'est les jeux là concrètement. Enfin, ah merde! Là, pour le coup, c'est vraiment les hégémoniens qui contrôlent Fuego Libertad.